Je vous souhaite une excellente soirée comme chaque jeudi. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on retrouve DJ Ice. Bonne soirée. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. Un maximum d'adrénaline et un maximum de frissons. Inertie, l'émission 100% techno de DJ Ice. Inertie, au platine sur le 95.3 DJ Ice. Future.